connaît, ça me sacrifie pour nous. Tout le monde a critiqué, même famille mignon arrivé. Relation à long terme, projet à court terme. Seul ça a bien, c'est confiance pour mettre en l'amour. Et toujours, moi peur, moi découragé. C'est comme si ma paix marchait, tout seul, là y'en est pas sans issue. L'amour ne se fait pas, l'amour c'est ça que tu dis. C'est seul espoir que gagne, c'est l'âme, puis c'est sans nous continuer. Moi refuser d'accord avec l'opinion publique qui dit que de nos jours, compromis remplacer l'amour. Quotidien pas facile, et me laisser prendre un risque. Vous voulez que toi pour moi, seul choix c'est aller jusqu'au bout. Chaque jour, moi peur, moi découragé. C'est comme si ma vie marchait tout seul, n'ayant pas sans issue. L'amour ne se fait pas, l'amour c'est ça que tu dis. Ce ne soit rien, c'est la plus efforce pour continuer. Moi pas baisser les bras, décider aller jusqu'au bout. Ou si nous pas t'arrêter, pour moi pas dire oui. C'est le temps de nous connaître, réaliser la vie. C'est vous connaître, c'est qui connaît, ça continue. Yeah, yeah.